Bonjour. Bon, moi, les affaires vidéo rendues, j'ai bien de la misère à écouter ça. Fait que ce que je fais, des fois, je vais voir, puis je lis un petit peu les commentaires. Puis là, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait, je pense que c'était à 22 minutes, je sais plus combien de secondes, là, vous parlez que BDM, il a été initié dans des sociétés initiatiques, là, puis là, les gens, ils veulent aller se faire initier dans ces sociétés initiatiques-là. Fait qu'ils demandent à Glenn, pouvez-vous en parler, là, dire c'est quoi, puis tout, puis. Je pense pas que Glenn il va se mouiller à dire publiquement. Ça m'étonnerait bien gros. De toute façon, c'est plein de sociétés initiatiques. Allez-y vous faire. Allez-y vous faire initier. Hein? C'est plein. Il n'y en a jamais eu autant. Il y en a plus que dans l'Antiquité, je pense. Même il y en a plus que dans le temps des cultes à mystère. Donc, allez-y. Mais par contre, moi, je vous garantis pas les résultats pour en avoir vu qui ont couru après ça. Bon, pour le reste, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y a Pierre Blanchette, il a encore publié une vidéo, puis dedans, il met des extraits que moi, je regarde pas ben grand-chose, puis je regarde pas ben les vidéos d'un tel puis un tel, mais Gloriane Blais, Madame Blais, je vais le dire maître, Madame Blais, elle parle qu'elle est coach de vie. C'est toute une surprise. Ouais, c'est vrai, Radis Dubarrot, puis tout, secrétaire juridique, c'est pas possible. Est-ce qu'elle est à ce point-là pestiférée? Je sais pas, là. Fait que finalement, j'ai dit, je vais aller vérifier. Puis il y a sa page X, sur sa page X, c'est ex-avocate. Je pense légalement, elle aurait pu quand même écrire diplômé Dubarrot, même si on est radié, on peut. On a, en tout cas. Ex-avocate. OK. Mais là, il y a une publication. Moi, X, je suis pas là-dessus, ça fait que. Elle dit, je vais probablement offrir mes services en tant que coach de vie, ce qui inclut la lecture de vos guides et le partage de mes ressentis pour votre parcours sur Terre. Je dirais rien. Je dirais rien. Moi, c'est pas en allant chercher le ressenti des autres que vous allez vous le développer, votre ressenti. Je sais pas si vous comprenez, là. Ça peut aider, ouais, mais ça prend du discernement. Ça prend du discernement. Puis, ben, faut que je le relise, là, ça. J'avais probablement, ben, pas sûr, j'avais probablement, c'est-à-dire, je veux dire, au niveau des lectures de ressenti pour le parcours sur Terre, j'avais probablement. Offrir mes services, ça veut dire que ça va être tarifé. Ben oui. En tant que coach de vie, ce qui inclut la lecture de vos guides et le partage de mes ressentis pour votre parcours sur Terre. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je dirais rien. Je dirais rien. Attires-tu aux cartes aussi? La lecture de Mac de café. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que j'avais dit? Donc, je l'appuyais. Je suis gêné, là. Je suis gêné. C'est gênant. Je veux dire, est-ce qu'au niveau de. Faut que je le relise, là. Au niveau, là, de service en tant que coach de vie. Ce qui inclut la lecture des guides puis le partage de ressentis sur le parcours sur Terre. Est-ce que ça va être fait avec plus de discernement que le discours qu'on a eu devant le Palais de justice de Québec? Je n'avais jasé avec une avocate. Qu'est-ce que vous pensez de Gloriane Blais? Myriam Bohémien n'avait rien à dire, mais Gloriane Blais. Ben, l'opinion de cette collègue. C'était qu'elle a subi des épreuves, puis qu'elle est fragilisée, puis qu'elle n'a pas toute sa tête. Hein? Quelqu'un qui a toute sa tête. Moi, si demain matin, là, on me demande d'aller subir un examen psychiatrique, j'y vais immédiatement. Pourquoi? Parce que je le sais comment ça marche, je suis bien orienté dans toutes les sphères, et ainsi de suite. Donc, je le sais plus, là. C'est vrai que dans les années 20-30, on se servait de la psychiatrie pour faire taire du monde, mais des fois, Souvent, on va mêler la vérité au mensonge, hein, un petit peu. Puis eux autres, c'est parce qu'ils ont vu. Parce que, prenez Myriam Bohémier, je pense pas jamais qu'ils demanderaient d'aller subir un examen psychiatrique. Eux autres, ils sont stratégiques. Ils vont appuyer où est-ce qu'il y a une faiblesse, où est-ce qu'il y a une faille. Je pense qu'elle a la faille. Dans le sens, on a affaire à quelqu'un, ça va pas. Ça fait un bout, ça fait un bout que ça va pas. C'est pas drôle, là. C'est pour ça, moi, je peux pas y en vouloir. Je peux pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais là, ça, là, faut que je le relise. Faut que je le. J'avais probablement offert mes services en tant que coach de vie, ce qui inclut la lecture de vos guides et le partage de mes ressentis pour votre parcours sur la Terre. Ok. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est de savoir combien. C'est combien ça? Vous vendez ça combien de l'heure? Puis quand on vous paye, est-ce qu'on appelle ça des honoraires? C'est pas une job de notable, ça. C'est pas une profession, c'est un métier. Tirer aux cartes, dans le fond, c'est un métier, c'est pas une profession. Parce que moi, dans mes yeux, ça revient à ça, là. Quel drop. C'est triste. C'est triste. Bon, on va dire que ça suffit. Bonne journée.